Est-ce que t'es un figurant? Est-ce que tu vois? Est-ce que t'es libre? Est-ce que t'es absent? Abstinence et croyance, tout est manigance. Le long des cimes, des champs hostiles et des contrefaçons. Retirez la mine, retirez la mine. Tu tires la cible quand tu n'es pas content. Perds le fil et perds la rime, mais pas le châtiment. On se déguise en voix audible pour effacer nos noms. Tiens ta devise dans l'arbre mise. À comparer les clans, juste une énigme, quelle heure est-il? Et sur ce qui te reste à vivre.